Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Samedi 3 novembre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à Savard de la Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix du billet, seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multigo! On va parler avec notre ami Tony Guzzo du site internet lebitsnfl.com. Salut Tony! Salut Danny! Tony, avant tout, tu dois être fier, je regarde ça... ça parle de plus en plus du blitznfl.com. Martin Saint-Jean, très bon d'ailleurs, qui parle beaucoup du 91.9. Toi, tu parles beaucoup avec moi. Wallet également. Il y a Simon Bussière aussi qui est à la radio. Ouais, radio à Victoriaville. Puis des fois, il y a quelques podcasts. Oui, je suis très fier. Malheureusement, au moment qu'on se parle, mon compte Twitter, il a été bloqué. Là. J'ai fait une petite erreur, là, mais c'est correct. Quand on se fait bloquer par Twitter, c'est qu'on a fait des choses qui est dû pour aller à confesse. Est-ce que ça... Non, c'est pas ça. Je vais être honnête, là, pour les gens qui connaissent Twitter rapidement, c'est que je voulais mettre une date de naissance, puis j'ai mis le. Ça fait 6-7 ans que le Blitz NFL existe. Okay. Fait que je voulais mettre la vraie date de naissance du site, mais Twitter prend pas des 13 ans et moins. OK. Fait qu'il pense que c'est un enfant, mais ça ne l'est pas. Okay. Fait que c'est la raison comme telle. On va y aller avec les gagnants et les perdants de la date limite des échanges cette semaine. Moi je trouve que les Rams de Los Angeles, c'est le match de la fin de semaine. Là. En passant, on va en parler plus tard. Là. Ouais. Les Rams de Los Angeles qui ont acquis Dante Fowler, lui là, m'a dit une affaire. Les Rams qui ont peut-être un petit problème pour mettre de la pression sur le camp. Là, ils viennent de régler leur problème. Là. Avec Aaron Donald, Najman Sue, préparez-vous. Exactement. Ben, ça va être le trio qui va se rajouter. Pour les gens qui ne le savent pas, là, ça veut dire que tu as 4 choix de première ronde sur le front défensif. Il y en a 7 au total. Donc, 7 joueurs des Rams qui ont été choisis en première ronde qui sont dans l'unité défensive des Rams. Ça a été... moi, j'adore des équipes, même s'ils sont 8-0. Ça a l'air à bien aller, tout ça. J'aime des équipes qui prennent qui prennent un certain risque, qui décident de dire, écoute, je suis pas rendu. Si je veux gagner le Super Bowl, je dois aller faire cette transaction-là. Puis oui, c'est un des grands gagnants des Rams. Puis comme je l'ai dit au début de l'année, je pensais que c'était des personnalités fortes, individualistes. Mais il semble l'équipe d'entraîneurs semble garder cette équipe-là une certaine cohésion et une très belle chimie. Puis ça va bien, là. Fait que oui, c'est un des grands gagnants au niveau des Rams. Là. OK. Écoute, dis-moi, il faut rendre crédit à Sean McVay, parce que, écoute, c'est pas évident là, pour une équipe comme les Rams. Il y a un paquet de vedettes. C'est pas évident. Puis McVay semble vouloir faire le travail. Là, ils vont avoir tout qu'un test contre l'Arizona. Ça va être dimanche à 16h25. J'ai bien hâte de voir ça. Mais il faut juste dire, il va falloir qu'ils performent, hein, Danny, parce que. Ah oui, il y a des choix au repêchage. Oui, c'est ça. Les Rams n'ont plus beaucoup de choix au repêchage. Mm. Puis Fowler, en passant, mon collègue Martin l'a bien dit, il trouve qu'ils ont payé cher parce qu'il va tomber agent libre en mars. Donc, un choix de troisième puis un choix de cinquième, hein? Exactement. Okay. Le cinquième, c'est en 2020. OK. Donc, on va parler aussi de Houston également. Écoute, les Texans qui ont gagné 5 victoires consécutives, ils avaient perdu le receveur qui était blessé. Et là, on va chercher... Will Fowler. Et là, on va chercher DeAndre Thomas chez les Broncos de Denver. Il y avait beaucoup de rumeurs qui l'envoyaient en Nouvelle-Angleterre, mais c'est finalement les Texans qui l'ont emporté. Deshaun Watson, qui va avoir une arme encore plus intéressante. Tout à fait. Puis c'est drôle parce que les Texans ont commencé 0-3. Ouais. On donnait quasiment, on congédiait quasiment Bill O'Brien. Puis là, les cinq dernières. Puis une excellente transaction pour les Texans parce que ça va aider vu qu'ils sont privés de Will Fuller. Là, donc c'est une bonne transaction pour Houston. Puis il faut donner aussi, c'est une bonne transaction aussi pour les Broncos parce qu'ils vont libérer à peu près 14 millions de dollars sur la masse salariale, puis la raison pourquoi ils l'ont laissé aller, ils vont miser pas mal sur leur jeune Courtland Sutton, si je me souviens bien. Fait que oui, des bonnes armes, puis les Texans sont vraiment revenus dans le chemin de la victoire, puis ils se battent, ils veulent finir premier de la division, ça c'est sûr. OK, on va y aller également. Donc, c'est vraiment, on peut dire, des équipes très, très intéressantes qui ont gagné. Dans les perdants, ce qu'on pourrait dire quoi? On pourrait dire... Moi, j'ai envie de te dire, le gros perdant, c'est le Von Bell. On n'entend pas parler beaucoup de le Von Bell avec... Le'Veon Bell, c'est parce que il voulait pas signer son étiquette de franchise avant la date limite. Parce que s'il signait, je pense que les Steelers l'auraient échangé. Fait que lui, là, Le'Veon Bell, il a le gros bout du bâton, en réalité, il a l'effet de levier à son niveau. Sauf que là, le problème, c'est que là, il va sûrement peut-être signer. Là, c'est à voir s'ils vont le faire jouer ou pas. Mais il a profité de son statut, Le'Veon Bell, puis il voulait pas être échangé. Il peut être un perdant comme il peut être un gagnant. Mais James Conner va très bien. Puis on va voir comment les Steelers vont gérer en fin de la saison parce qu'il peut avoir de la distraction puis ça peut causer peut-être une mauvaise fin de saison pour les Steelers. J'ai bien hâte d'avoir ça. Les Steelers, historiquement parlant, c'est pas eux qui dépensent le plus sur les joueurs. Non. Non, ils sont très conservateurs. Très, très conservateurs. Et le fait que Fuller va très bien, ça a certainement répondu aux attentes du fait que Bell, Le'Veon Bell est encore avec chez lui dans le fond. Mais je t'appuie Danny, parce que comme perdant, Le'Veon Bell, là, ils ont sorti des statistiques, là, malheureusement je les ai pas devant moi, là, mais avec sans Bell, quand Bell joue pas, ils ont des meilleures statistiques à l'attaque en termes de verges, en termes de pointage. Fait que oui, il est plus du côté des perdants que des gagnants, Le'Veon Bell, mais il y a quand même son statut qui fait que il paye 855 000 $ par semaine, je pense. Effectivement. Également, mais un des perdants d'Ali, je pense, c'est les Packers. Oui, ouais. Les Packers, ils sont allés, ils ont laissé aller Montgomery, mais Montgomery a fait tellement. Ben lui, il a fait l'exprès. Ça a l'air que c'est pas la première fois qu'il écoute pas les consignes de son coach parce que semblerait qu'il s'est fait dire de mettre le genou à terre puis de donner la chance à Aaron Rodgers de faire la remontée. Fait que ça, ils l'ont laissé aller, mais ils ont laissé aller le maraudeur Clinton Dix à Washington. Washington est très content parce que leur tertiaire s'améliore, puis c'est quand même une équipe qui va bien sans qu'on en parle beaucoup, là, avec Alex Smith et tout ça. Mais je trouve que les Packers, pour une équipe qu'on aime bien voir, qui ont toujours des chances d'aller aux séries, ils se sont pas aidés pour... ils se sont pas améliorés. Là, ils s'en vont en Nouvelle-Angleterre, ce sera pas évident, donc, contre les Pats, vendredi. Dimanche soir, c'est le match du Sunday Night Football. Maintenant, on va parler du côté des Raiders d'Oakland. Je vais te parler des Raiders hier. Incroyable, encore. On en parle régulièrement. Mais là, Nick Mullen, a été le meilleur, je l'ai assis ce matin sur ESPN, a été le meilleur carrière, qui a réussi le meilleur premier match de l'histoire des 49ers. Et puis Dieu sait qu'il y en a eu des carrières, des bons carrières, là. Steve Young, Joe Montana, également, Même Jeff Garcia de Jeff Garcia, quand Colin Kaepernick a mis son équipe au Super Bowl également. Ouais. Garoppolo a connu des matchs fulgurants l'an dernier. Et Nick, écoute, c'est le numéro 3 des 49ers. Là. Puis ça fait deux ans. Défensive des Raiders d'Oakland à tour de bras. Ben torché pour le... Excusez-moi l'expression, mais c'est ça aussi. Moi, je l'ai dit, c'est pathétique. Nick Mullins, en passant, il y avait 3 jours et demi pour se préparer parce que Bethard s'est blessé récemment. Il n'était pas sûr. Nick Mullins n'a jamais été repêché. Il était sur l'équipe d'entraînement, mais il faut donner crédit quand même aussi à Kyle Shanahan et toute l'équipe d'entraîneurs parce que ça a été, mais de l'autre côté, autant que les 49ers ont bien préparé, ont bien orchestré, puis ont bien aidé Mullins, de l'autre côté, les Raiders, c'était pathétique. Puis c'est drôle parce que je voulais le défendre un peu, Gruden, avec son plan, mais... Là, j'ai l'impression que les joueurs s'en foutaient hier, t'as regardé ça, là. Ils s'en foutaient. Je pense qu'il a perdu son vestiaire. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, avec tous les choix qu'il va avoir, je pense qu'il va faire une vente de garage. Il va liquider même au. Ben oui, mais j'ai l'impression, je sais pas. J'ai pas été voir dans les médias d'Oakland, qu'est-ce qu'on dit, mais est-ce qu'on commence à déchanter sur Gruden? Ben oui, puis non. J'en étais un qui était content de voir Gruden. Mais il y a eu une entrevue hier, tu l'as vu avec, je sais pas si tu l'as vu avec Howie Long, puis il va y avoir une autre partie dimanche sur Fox, là, l'entrevue. C'est sûr qu'on entend tout le négatif sur lui, puis lui, il l'admet aussi, mais il aurait dit à Howie Long que il a dit deux choses qui a frappé toute la communauté. Il a dit, j'ai dit, tu devrais voir tous les appels que j'ai pour dire que qu'est-ce que je fais, c'est bien, comme transaction. Je dis, ah ouais. Puis l'autre affaire, ça a l'air qu'il y a bien des joueurs qui l'appellent, qui veulent devenir des Raiders dans le futur. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Fait que, malheureusement, pour un gars que je voulais le défendre avec son plan, mais j'ai l'impression que ça va être une vente de garage, une vente de feu, puis quand ils vont se rendre à Vegas, ils vont recommencer à zéro avec des joueurs prometteurs. Je trouve ça plate, on en parle quasiment toutes les semaines, mais les Raiders d'Oakland, c'est un passé, c'est une belle foule d'Oakland. Écoute, moi j'ai pris pour ces Raiders. Moi, les Raiders, c'est ma deuxième équipe derrière les Pats, puis ça a même été ma première équipe longtemps. Pourquoi? Oui. Parce que justement, tu avais une équipe... des méchants Raiders des années de Joe Montana, Al Davis, t'avais Jim Plunkett, t'avais Marcus Allen, t'avais une équipe, des années 70, c'était une équipe de bombes. Donc, il y a une historique derrière les Raiders d'Oakland, puis je trouve ça vraiment plat ce qui arrive. Ben, ça a l'air qu'ils veulent fermer le chapitre à Oakland, puis c'est vraiment dommage, puis je me demande si Gruden s'ennuie des analyses du lundi soir. Effectivement. match de la semaine, on en a parlé. Quel match est en perspective? Et ça, je vais te dire une affaire, ça peut avoir une incidence drôlement sur l'avantage du terrain tout le long des séries dans la conférence nationale. Hein. C'est un match d'une extrême importance, puisque je pense que ces deux équipes-là vont s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a rien qui change, vont s'affronter en grande finale de la conférence nationale à fin janvier pour savoir qui va représenter la conférence nationale. Donc, c'est un match d'une extrême importance. Tu parles des Rams contre les Saints? Oui, c'est le match qui aurait dû être au Sunday Night. Ça aurait dû être au Sunday Night Football, mais là, effectivement, NBC ne peut pas changer les matchs, je pense, avant la semaine 15. Non, il pouvait, Danny. Il pouvait, mais il aime mieux le scénario Rodgers-Brady pour la télé que les Rams et les Saints, je crois. Puis, tout à fait, c'est le gros match. En fin de semaine, ça va être drôle parce que... On dirait qu'il y a une thématique, là, c'est tout le duel de bons corps de franchise qui s'affrontent. Fait que là, t'as Rams avec Jared Goff contre le jeune la future vedette des corps arrière contre Drew Brees. Ça va être vraiment un match à haut pointage. T'as la meilleure. Le match est à Nouvelle-Orléans. C'est là qu'on donne toujours l'avantage à domicile un peu, mais t'as la meilleure offensive des Rams qui vont jouer contre. Cette année, là, les Saints, là, avec Drew Brees, ils balancent très bien l'attaque. Avec le jeu au sol, il y a un corps arrière qui prend sa place pour d'autres jeux. Fait que c'est une attaque bien balancée. Au niveau des deux attaques, ça va être excellent à voir. C'est pour ça que je dis que ça va être un match à haut pointage. La seule affaire que je trouve, c'est que la défensive est pas si... dominante que ça pour les Saints, tandis que les Rams sont améliorés avec l'ajout de Fowler. Ouais. Mais j'ai entendu un matin par rapport à Fowler, ça a l'air que Il va être habillé pour dimanche, mais ça a l'air que le playbook des Rams est un peu compliqué à comprendre. Fait que ça a l'air qu'il s'ajuste, il s'adapte, il fait du temps supplémentaire. Donc, ça va être un match à haut pointage. Il y a bien du monde qui disent que ça va être la première défaite des Rams. Mais je vais te dire une affaire, si jamais les Rams battent les Saints dimanche, attendez-vous à 16-0 pour les Rams. Voilà, c'est la fin de la saison. Dépend, encore une fois, ça dépend comment on va gérer ça. Tu te rappelles-tu de Tony Dungy? Oui. Tu te rappelles-tu de Tony Dungy quand il avait... Écoute, je pense que ça avait été, par la suite, les Colts avaient perdu. Puis je pense que son vestiaire avait été perdu à côté de ce moment-là avec les Colts. Mais beaucoup de points. Ça va être un festival offensif, ce match-là. Ça va être incroyable. Dans l'autre match que moi je m'attends également, c'est Green Bay contre les Packers, contre les puissants Patriots de l'Angleterre qui vont très très bien. Ça, c'est un autre grand match. Hein? Ah, puis ça a l'air comme un Super Bowl, hein, tellement que c'est beau à voir. Ils n'ont pas joué bien souvent entre eux autres. Donc, on a les deux meilleurs quarts arrière. Qui sont bien entourés, supportés au niveau de l'attaque. Mais la différence, ça va être au niveau de la défense. Puis je vais être honnête, je sais pas quel genre de défensive autant des deux équipes va se présenter. Mais au bout de la ligne, ça avec qu'on risque de peut-être voir un match à haut pointage, mais au bout de la ligne, puis c'est ça qui jasait un peu cette semaine, c'est que Brady est tellement bien entouré par ses entraîneurs, c'est tellement tactique, c'est tellement bien préparé, tandis qu'on laisse Rodgers faire plus son spectacle. Donc, je trouve que l'équipe d'entraîneurs au niveau des Packers le dirige, ben il laisse aller, sauf qu'il l'aide pas assez pour dire, OK, c'est plus le temps de faire le gros long jeu, puis on va aller peut-être un peu plus par la course ou par des petites passes. Donc, je dois donner l'avantage. Puis en plus, c'est à Foxborough. Fait que il faut qu'on donne l'avantage aux Patriots à ce niveau-là. Mais tout est possible. On va voir comment la défensive des Pats vont agir sur Rodgers. Puis au niveau des Packers, ben ils devront mettre un peu plus de pression sur Brady. Les Pats, depuis qu'ils ont perdu Sonny Michel le porteur de ballon, le jeu au sol est so-so là, au niveau des Pats. Donc, un autre excellent match. Pour un dimanche soir, ça va être super pour bien finir le week-end. Et l'autre match qui est intéressant, c'est un match de la division nord de la conférence américaine, les Steelers contre les Ravens. Les Ravens, à quelque part, doivent gagner. Le match est à Baltimore. Moi, je pense que quelque part, c'est un must-win, comme on dit. Il faut gagner, sinon les chances de participer aux séries vont être très, très minces. Exactement. Puis le gagnant, ben, c'est pour la première place. On a les mêmes trois matchs à surveiller en fin de semaine, mais ça avec le Big Ben contre Joe Flacco. Au niveau de l'offensive des Steelers, ça va bien, même si Bell n'est pas là. La défensive peut surprendre. Du côté des Ravens, ben Flacco puis son attaque est pas si menaçant que ça, mais la défensive est dominante. Donc, si les Steelers peuvent monter d'un cran au niveau de la défensive, ben ça va être un match plutôt défensif qui vont réussir, mais c'est un must-win pour les Ravens, comme tu dis. Les Steelers, ben, ils continuent à bien aller. Puis le gagnant va aller pour la première place. Et le perdant, ben, c'est ça, ça va être difficile pour la fin de saison pour la course aux séries. Un autre match qu'on n'en parle pas, Danny, j'avais même les Chargers contre les Seahawks. Les Seahawks vont très bien. Ben les Chargers aussi, fait que c'est deux équipes qui jouent du calibre, deux équipes qu'on devrait voir aux éliminatoires, fait que ça va être intéressant à voir. Puis tu sais, Philip Rivers face à la jeune défensive des Seahawks, mais les derniers matchs ils ont démontré, tu sais, on s'ennuie plus du Legion of Boom comme on disait dans le temps là, mais les Seahawks ils viennent de gagner les 4 des 5 derniers matchs là, fait que c'est un autre match à surveiller, mais ça va être un beau week-end de football là, avec les duels de corps arrière. Là. C'est mathématique en fin de semaine. Tony, on s'en reparle. Et puis, beau week-end de la NFL, beau week-end de la NCAA. J'en ai parlé avec Wallet aussi. De gros matchs dans la NCAA. Ah, ouais. Si vous voulez écouter une fin de semaine, ne manquez pas. Il y a des duels importants, donc ça promet beaucoup. Donc, on invite les gens à aller sur le site lesblitznfl.com. Salut, on s'en reparle vendredi prochain, Tony. Merci, Danny. Tony Gouzeau du site blitznfl.com.